Sur les traces de Godzilla, de Christophe Fiat. Godzilla no ato o tadotte, Christophe Fiat saku. On arrive à un checkpoint, avec un gardien. Oriza entre et gare la voiture. La visite commence. Oriza et Aki marchent devant. Je traîne. L'envie de faire des photos est de plus en plus forte. Je shoote, je shoote, je shoote. Petit à petit, je mesure l'horreur du séisme. Dans ce quartier résidentiel d'Iwaki, plus rien n'est debout. Tout est rasé. Pour la première fois de ma vie, j'aimerais me rendre utile. Je me remémore la dernière phrase du mail de l'Institut. Si l'engagement artistique a un sens, le Japon est certainement le Iketnunk par excellence. Oriza m'attend au détour d'une allée et me montre une horloge sur une poubelle. Il me parle en japonais et Aki traduit. Regarde Guy, elle est arrêtée à l'heure du séisme. Oriza continue de parler en japonais et Aki traduit. C'est comme à Hiroshima. Je souris à Oriza et je prends l'horloge en photo. Elle marque 14h47. Je marche. Voilà, je suis dans les décombres du tsunami du 11 mars 2011. Je m'approche de la grève. Je suis face à la mer. Je regarde son étendue. Puis, tout à coup, j'entends un souffle étrange. Ce n'est pas le roulis des vagues ni le vent. Non, c'est autre chose. J'avance. Mes jambes tremblent. Mon cœur bat fort. J'ai peur. Je recule, puis le souffle s'interrompt. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde autour. Il n'y a plus personne. Je sens une force qui m'oppresse. J'avance de nouveau et le souffle reprend. Mais cette fois, je n'ai plus peur. Je reconnais... Ça paraît impossible, mais c'est plus fort que tout. Je reconnais... Oui, c'est ça. Ce souffle. Oui, c'est la respiration de Godzilla. Alors, je me rappelle que j'ai emporté avec moi mon magnétophone numérique, un zoom recorder. J'appuie sur le bouton ON, puis REC, et je tends mon bras en direction de la mer. C'est parti. Je tiens l'appareil dans une main. Je ne bouge plus. Le moindre mouvement pourrait altérer la prise de son. Alors, s'il s'agit bien de Godzilla, j'ai une chance d'avoir une trace de sa présence, ici. Le temps qui s'écoule me paraît interminable. Encore 5 minutes, et je rejoins Oriza et Aki. Puis, j'appuie sur stop. C'est alors que je sens une main sur mon épaule. Je sursaute et je me retourne. Une japonaise d'une trentaine d'années me fait face. Tu vous as fait peur? Oui, j'étais concentré. Cette entrée en matière n'est pas très japonaise. Mais ici, rien n'est normal depuis le 11 mars, n'est-ce pas? Je suis l'assistante du directeur de l'aquarium. Je m'appelle Momoko Kochi. Enchantée, Guy Commerson. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais vous regardiez quoi? Rien du tout. J'écoutais. Vous écoutiez quoi? C'est absurde. Dites. Vous allez me prendre pour un dingue. On verra. J'ai entendu la respiration de Godzilla. Vous aussi? Comment ça, moi aussi? C'est aussi arrivé à mon directeur. C'est pour ça qu'il n'est pas à Iwaki aujourd'hui. Il consulte auprès d'un spécialiste à Tokyo. Voilà. Vous me prenez pour un dingue? Non, il n'est pas chez un psy, mais chez un ORL. Vous vouliez le voir à propos du sélaconte, de notre poisson préhistorique, c'est ça? Oui, je suis sur les traces de Godzilla et je me demande si le réalisateur du film ne s'est pas inspiré d'une espèce préhistorique qui aurait disparu, les Godzillazaurus. Il ne faut pas chercher du côté de la préhistoire, mais du côté des esprits. Des esprits? Vous vous souvenez de la scène de cérémonie dans le film? Une nuit, on donne, dans le sanctuaire shintoïste de l'île Dodo, une représentation Kagura d'exorcisme. Alors, un vieux conteur raconte à un journaliste venu percer le mystère du monstre la légende suivante. Il existe dans la mer une créature épouvantable du nom de Godzilla qui, une fois avalé tout ce que la mer lui offre comme nourriture, remonte à la surface de la terre. Il arrive alors parfois que cette créature engloutisse un humain. Il y a bien longtemps, lorsque la houle faisait rage plusieurs jours durant, on portait une jeune fille vivante au large en guise de sacrifice. Vous connaissez parfaitement le sujet. Il n'y a pas que les écrivains qui s'intéressent à Godzilla. Bien sûr, vous allez me dire que la scène qui vous a amené à Iwaki est celle où on explique l'origine préhistorique de Godzilla. Document à l'appui. Oui. Vous raisonnez comme un occidental. Approchez-vous. Venez. Marchons un peu. Regardez. Regardez comme la mer est rouge, tout à coup. Qu'est-ce qui se passe? Depuis le 11 mars, c'est un phénomène qui se produit régulièrement. C'est à cause de la radioactivité? La mer est ensanglantée. Avez-vous déjà vu cela? Ce sang versé en vin colore le courant noir de la couleur du sang. Ce courant rouge gémit. Il crie. Il tourne autour du Japon, telle une bête furieuse. Et on le voit qui aboie tristement. Godzilla no ato o tadotte, Christophe Fiat saku. Sur les traces de Godzilla, de Christophe Fiat. Avec Mohamed Rouabi, Seiji Tanaka, Junko Murakami. Équipe de réalisation, Olivier Dupré, Mathieu Perron, Viviane Demeyer, Jack Taroni.